Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1. Je vous souhaite également une bonne fête nationale, évidemment, une bonne soirée, peut-être devant le feu d'artifice de votre commune, qui sait. Et puis peut-être avec dans les oreilles Analyse F1, hein, on ne sait pas. C'est logique, hein, dans vos oreilles Analyse F1, puisque vous êtes en train d'écouter le podcast, suis-je bête ? Oui, je suis bête. Bref. Aujourd'hui, on va parler 100% de Formule 1. Dans une première partie de podcast, j'aborderai l'influence certaine de l'ambiance d'une écurie sur la qualité de travail. Bon, ça peut paraître flou, du coup, je traiterai ce sujet avec, grâce à l'exemple des pit stops, hein, ce qui servira bien à illustrer le propos. Et dans la deuxième partie de podcast, je parlerai de Daniil Kvyat, un pilote qui m'intéresse tout particulièrement depuis la saison européenne, puisque ses performances depuis Barcelone sont intéressantes, et que avant le début de la saison, j'étais pas très chaud pour le pilote russe, pour sa saison 2015, et que les choses ont changé, le contexte a changé, donc c'est intéressant de revenir sur ce qui a provoqué ses récentes performances, et de voir ce qu'il en retourne. Avant d'analyser ces deux sujets d'actualité, quoique le premier sujet est à la fois d'actualité, peut servir également pour analyser l'avenir, vous allez vite vous en rendre compte, je pense, eh bien je vais parler un peu du dernier Grand Prix, le Grand Prix de Grande-Bretagne qui s'est tenu sur le célèbre circuit de Silverstone, hein, un des véritables temples du sport auto et un des véritables temples de la F1, où on a vu une course assez endiablée, hein, il faut le dire, avec déjà ça a été bien provoqué par le très bon départ des Williams qui ont viré en tête au premier virage, et ensuite il y a eu les conditions changeantes. Alors il y a eu la victoire de Lewis Hamilton devant son public, c'est pas la première fois qu'il réalise cette performance, ça avait une saveur particulière parce que il se fait doubler dès le premier virage, ensuite il y a les conditions changeantes, c'est une très belle victoire, et surtout il a fait le bon appel pour s'arrêter au stand. Il a bien senti le temps et il a fait l'arrêt au tour parfait, c'est-à-dire le tour où les intermédiaires allaient être, où les pneus intermédiaires allaient délivrer une performance optimale compte tenu de l'évolution de la piste. C'était bien. Même Rosberg, il a avoué que c'était parfait parce que quand il était au volant de sa Mercedes, il pensait que Hamilton faisait le mauvais choix à ce moment-là. Eh bien non, il a bien senti la piste et du coup il a pu virer en tête et conserver le leadership jusqu'au bout de la course. Deuxième Rosberg, et oui les Williams qui ne sont pas là, hein, qui ont fini 4e et 5e puisque Vettel a ravi la 3e place et Raikkonen beaucoup plus loin. Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? En fait, déjà avant qu'il y ait les conditions changeantes, Williams n'a pas fait la stratégie optimale, on va dire. Mercedes, par contre, durant toute la course, que ce soit pour le premier pit stop et le pit stop relatif aux pneus intermédiaires, il y a eu la stratégie optimale à chaque fois. Et pour Vettel, il y a eu la stratégie optimale pour les changements aux pneus intermédiaires. Et du coup, c'est ce qui a fait que Williams s'est retrouvé 4e et 5e en fin de course. On ne peut pas vraiment parler de stratégie mauvaise de la part de Williams. Ce serait vraiment très dur, hein, vraiment très dur. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ils ont calculé pour avoir les points et pour avoir les deux monoplaces à l'arrivée. Pour eux, c'était risqué de s'arrêter à un autre moment. Mais c'était, à mon avis, pour le premier pit stop, il y avait peut-être moyen de faire mieux, mais c'était compliqué. Les deux écuries, Williams et Mercedes, se jaugeaient. C'était à celui qui s'arrêtera en premier. On savait pas trop encore s'il allait y avoir la pluie. On savait pas trop. Après, par rapport aux pneus durs, fallait aussi qu'ils puissent tenir le deuxième relais au cas où ce soit sur le sec tout du long. Bref, il y avait vraiment un petit jeu entre les deux écuries qui s'est installé. Et à ce petit jeu, eh bien Mercedes a gagné, tout simplement. Mercedes a gagné. Et au deuxième jeu des ravitaillements, des arrêts au stand, pardon, avec la pluie, eh bien Mercedes a enfoncé le clou. Et puis d'ailleurs, voilà, d'un côté, il y a eu Hamilton avec le bon appel, Vettel aussi. Et puis d'un autre côté, il y a eu Rosberg. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Rosberg sur cette course, contrairement à d'autres, hein, vous le savez. Mais de mieux en mieux, il s'affirme dans la saison, en espérant que ce soit pas trop tard pour lui. Mais il s'affirme dans le sens où, si vous avez bien regardé la course et les temps, quand les pilotes étaient avec les pneus slick et qu'il y avait des conditions changeantes, où il y avait une partie de la piste qui était bien bien mouillé et l'autre qui était sec, voire un peu mouillé par endroits, eh bien c'est là que Nico Rosberg a pris des énormes risques pour passer les Williams et pour rattraper Hamilton. Il le rattrapait d'ailleurs à ce moment-là. Il était vraiment plus rapide. C'était vraiment le plus rapide des hommes de tête. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette attitude parce que à ce moment-là du championnat, il arrive un moment où tant pis s'il perd les 18 points, mais il faut absolument tout tenter pour essayer de mettre la pression sur Hamilton, pour qu'il sente un minimum la pression, et surtout pour lui faire perdre des points et pour gagner des points sur lui au championnat. C'est vraiment une lutte pour le championnat du monde pilote. Et là, j'ai bien senti que Rosberg a senti que c'était le moment. Parce qu'il sent aussi peut-être que sur le sec, la Mercedes est une des monoplaces qui gère le moins le fait de se retrouver derrière une autre. Et du coup, sur des conditions changeantes, c'est pas la même chose, c'est pas la même vitesse, et donc c'était le moment d'opportunisme à saisir, et Rosberg l'a saisi. Malheureusement pour lui, et bien son coéquipier a fait un très bon appel pour aller au pit stop, et Rosberg s'est arrêté le tour suivant, mais c'était un tour de trop déjà. Et ensuite, ben on le sait, Hamilton par contre, avec des pneus intermédiaires sur une piste qui accueille bien les pneus intermédiaires, enfin sur le mouillé, Hamilton est très bon. On le sait depuis très longtemps. Il en a remporté beaucoup des courses sur mouillé, a fait des énormes performances dessus. Je crois qu'il a un pourcentage de courses remportées alors qu'il y avait de la piste mouillée assez élevé d'ailleurs. J'avais vu ça il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans. Et voilà, il le prouve encore. Donc là, c'était compliqué. Mais voilà, Rosberg, bon esprit, et du coup, qui finit deuxième, qui perd 7 points seulement au championnat. Ça aurait pu être pire, hein, compte tenu de l'histoire de la course, mais il a fait ce qu'il fallait. Troisième Vettel également. Pour les Ferrari, c'était très mal embarqué, un très très mauvais week-end en termes de performance pure, hein, on peut le dire, puisqu'en qualif, les Ferrari étaient seulement derrière les Williams. Et bon, heureusement, encore une fois, la stratégie dans la course avec Vettel a bien fonctionné. Pour chausser les pneus inter, et ça lui a valu la troisième place. Il était très content, et c'est logique. Raikkonen, quant à lui, très mauvais appel. Par contre, il a mal senti la piste. On le sait, lui et la pluie, c'est pas non plus qu'il est nul, mais c'est pas non plus son gros point fort. Bon, d'ailleurs, on va me dire, c'est le point fort de qui? On va dire que c'est plutôt le point faible, le moindre de qui, c'est plutôt ça le truc, parce que rares sont les pilotes qui apprécient la pluie, sauf s'ils sont dans une toute petite écurie. Enfin bref, du coup, voilà, Raikkonen très loin. Troisième très mauvaise course d'affilée de sa part. Donc là, on s'interroge vraiment, il doit vraiment relever la pente. Voilà, ben c'était tout pour ce Grand Prix, hein. Hamilton reste en tête, hein, devant Rosberg. Les deux vont lutter au titre jusqu'au bout. Et prochain Grand Prix en Hongrie dans 2 semaines. Voilà, maintenant on va venir enfin sur le sujet qui occupe ce podcast, sur les deux sujets qui occupent ce podcast. Donc tout d'abord, je vais parler de l'influence de l'ambiance d'un team, au sein d'un team, sur la qualité du team, tout simplement, la qualité de travail du team. Eh bien, j'ai envie de dire qu'au mieux ça se passe dans une écurie. C'est-à-dire quand l'ambiance est cool, quand la position en championnat est favorable, quand les pilotes peuvent galvaniser l'équipe, quand il y a un contexte général plutôt bon, quand aussi la position dans la course pousse l'écurie à bien pousser pour faire un bon arrêt au stand, eh bien, au mieux, s'il y a le plus de facteurs possibles dans tout ce que j'ai cité, et bien plus encore, parce que ce n'est pas limitatif, hein, il y en a également d'autres, eh bien, au mieux, l'écurie sera performante, et notamment dans les stands. Et notamment dans les stands, et pour ça, je vais me référer à un tableau qui a été publié par Mercedes, qui a été produit par Mercedes, un tableau qui recense, on va dire, les performances aux aéro stands des différentes écuries, selon un classement. Donc, il y a un classement depuis l'Australie jusqu'en Autriche, puisque le tableau a été publié avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et donc le tableau fait une moyenne à la fin, une moyenne des places obtenues en termes de temps, de changement de pneus, tout simplement, de temps passé dans les stands de la part d'une écurie. Et donc à ce petit jeu-là, eh bien, Mercedes est en tête. Donc ouais, voilà, la raison pour laquelle ils ont élaboré ce tableau, c'est pour bien montrer qu'ils dominent, si on ne s'en était pas rendu compte. Bon, attention après, c'est un tableau Mercedes qui a l'air fiable, hein, d'après les différents spécialistes, hein, qui est fiable. Mais attention, voilà, c'est clair que c'est un tableau Mercedes, donc il faut quand même en rester prudent. C'est pas un tableau officiel produit par la FIA. Mais voilà, il est globalement fiable, hein, ça c'est clair. Et bon, ils ont pas menti dessus. De toute façon, ils ont pas de raison de mentir, vu que de toute façon, ils sont en tête de fait. Donc bon, c'était juste pour montrer qu'ils sont en tête, hein, surtout. Et pour montrer aussi que Williams c'est deuxième également. Bon, là encore, bon, est-ce qu'ils sont vraiment deuxième ou quoi? Bon, on va vite voir ce qui s'est passé. On va vite analyser tout ça. Enfin, vite, calmement également. En gros, ben Mercedes premier et bon, ben ça se ressent bien. Tout se passe bien dans l'écurie et largement premier hein, parce que ils sont environ. Leur moyenne c'est 2 d'être 2,1 en position. En position parce qu'ils ont été deuxième en Australie, premier en Malaisie, premier Chine, ensuite cinquième Bahreïn, quatrième Espagne, premier Monaco, deuxième Canada, premier Autriche. Donc voilà, ça fait une moyenne de 2,1 en termes de place. Hein, c'est pas des secondes, hein, c'est en termes de place. Et ensuite, oui, la deuxième écurie, Williams, s'est relégué seulement à une moyenne de 3,9, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Mais ils sont deuxième, Williams. Alors, pourquoi ils sont deuxième, Williams? Parce que Williams, tout simplement, ils font du bon travail depuis 2014, ont pas la même forme de pression que peuvent l'avoir Mercedes ou Ferrari. D'ailleurs, la forme de pression de Mercedes, on peut se dire la pression de Mercedes, forcément, ils peuvent lâcher au bout d'un moment, ils peuvent avoir un moment de stress au moment de changer une roue. Ben non, c'est tout le contraire, puisque ils ont deux pilotes qui les galvanisent, Hamilton et Rosberg, qui sont là vraiment pour pousser l'écurie et pour pousser l'équipe, et qui ont montré leur talent l'année dernière en remportant le titre constructeur et en offrant une lutte formidable et propre, et plutôt propre, on va dire. J'oubliais l'épisode de Spa. Il est plutôt propre pour le titre. Et donc, évidemment, Mercedes, ils sont heureux. Ils sont dans une position dominante. Donc, forcément, ça les galvanise. Et ils n'ont pas de pression. Ils sont bien. Enfin, ils ont une pression positive plutôt. Parce qu'ils savent que leur pilote va délivrer une très grande performance en piste. Et qui sont très bien encadrés également. Très bien encadrés. Donc, quand tout se passe bien dans une écurie, ça donne ça, hein. Tout simplement parce que on peut pas dire que les mécanos de telle écurie sont meilleurs pour changer des pneus que les mécanos de telle écurie. Et on va le voir avec l'exemple McLaren qui est très parlant. Du coup, voilà. Donc Williams, eux, c'est le phénomène un peu. Ben voilà, on est là pour saisir les occasions. Donc si en course y a moyen de réaliser quelque chose, ils vont être là, tout simplement. Et ben également, ils ont pas tellement plus de pression que ça hein, cette saison, puisque ils sont un peu dans un ventre mou, c'est-à-dire que des fois ils font la course un peu tout seuls, généralement, ou quand il y a une occasion qui se présente parce qu'une Ferrari a eu un problème, eh bien ils vont être là. Donc c'est une écurie de pointe cette saison, mais voilà, troisième comme la saison dernière, donc ils sont un peu à l'abri de toute la pression médiatique, etc. Et ils ont deux pilotes aussi. Deux pilotes, ben un pilote de très grande expérience, Massa, et un pilote qui fait très bien le boulot, Bottas. Donc là également, ça explique aussi en partie le succès de Williams, quoi. Une écurie bien gérée et tout, enfin tout ce que j'ai dit, ça donne ça. Donc Mercedes et Williams aux deux premières places. Troisième, j'ai envie de dire seulement Ferrari, à ce classement des arrêts au stand. Troisième seulement, ça s'explique surtout par leur très mauvaise place au Canada et en Autriche, sinon ils seraient peut-être, voire sûrement deuxième. Mais voilà, 9e Canada et Autriche, et en Grande-Bretagne également, même si ça compte pas dans le tableau, les arrêts au stand n'étaient pas très rapides, hein. C'était au-delà des 3 secondes 2, généralement, 3 secondes 5, enfin par rapport à la concurrence, c'était quand même plus d'une demi-seconde plus lent, donc voire une seconde. Donc attention Ferrari, mais Ferrari c'est une écurie, voilà, c'est. Depuis quelques courses, on a vu que c'était moins bien. D'ailleurs, depuis le Canada, c'est là où il y a eu certaines erreurs chez Ferrari, où c'était un peu moins bien, où la performance était un peu moins proche des Mercedes, où ça commençait à se décanter. Même si avant, voilà, avant, on sentait que Mercedes était devant, mais on sentait encore que Ferrari pouvait faire quelque chose. Mais là, c'est vrai que depuis quelques courses, on sent que Ferrari marque un peu le pas. Et surtout en Grande-Bretagne, ça a été très clair. Et voilà, depuis Canada-Autriche, c'est vrai, et du coup, 9e aux arrêts au stand en Canada et en Autriche, c'est assez révélateur. C'est assez révélateur. C'est vrai. Red Bull de son côté, 4e, Quatrième avec 4,4 en moyenne, hein, et pas loin devant Force India. Donc, j'ai envie de dire seulement là, hein, Red Bull, champion du monde pendant plusieurs années consécutives et qui faisait des très bons arrêts. Souvenez-vous, hein, il y a 2-3 ans, c'était des arrêts en dessous des 3 secondes. C'était peut-être, je crois, peut-être même les premiers à passer sous la barre des 3 secondes, je sais plus. Quoique McLaren était pas mal également, je me souviens. Mais Red Bull était bien et là, seulement quatrième. Donc voilà. Tout est dit, j'ai envie de dire. Ils n'ont pas forcément changé trop de mécaniciens entre-temps. Et c'est tout simplement le contexte qui veut ça. Le contexte de Red Bull qui est très très tendu depuis le début de la saison. Depuis à peu près le début de la saison, où il y a des conflits avec Renault, où même au sein de l'écurie, on a vu Ricciardo un peu pas taper du poing, mais dire que voilà, qu'il s'attendait pas à ça cette saison. Bref, chez Red Bull, on s'attendait pas à être aussi loin. Et forcément, ça fait plus de pression aux arrêts au stand parce qu'on veut un peu trop surjouer et être en surchauffe pour passer les roues. Et forcément, eh bien, ça donne pas un résultat mauvais. Hein. 4,4, c'est pas non plus hyper loin de Ferrari. Hein. Mais voilà, c'est plus loin qu'avant, quoi. Donc, c'est révélateur quelque part d'une difficulté cette saison, d'une grosse difficulté, que ce soit point de vue moteur, hein, unité de puissance, et point de vue châssis également. Voilà, Force India juste derrière, c'est une surprise. Cinquième, c'est une très bonne place pour Force India, qui a bien profité cette saison et qui a aussi fait, aux arrêts au stand, a été la plus forte au Canada. Et oui, c'est très fort quand même, de la part de Force India, qui a une première place aux arrêts au stand en Canada. Et voilà, comment expliquer ça? Eh bien, tout simplement par une écurie qui, au fur et à mesure de la saison, a découvert que sa monoplace était plutôt pas mal et qu'il pouvait rentrer dans les points. Leurs deux pilotes les galvanisent également parce qu'ils font très bien le boulot. Et voilà, il y a un contexte un peu lourd avec leur patron qui a des démêlés avec la justice. Mais voilà, sinon, à part ça, chez Force India, tout se passe même mieux que prévu. Donc évidemment, ça peut les galvaniser. Donc voilà, cinquième place qui peut s'expliquer par ça, également par leur qualité. Lotus ensuite, Lotus 6e, qui ont fait des bons résultats au Canada, Autriche, 4e et 2e, hein, des arrêts au stand. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Juste avant, c'était très mauvais. Bon, j'allais dire que dernièrement, ça s'explique, les derniers bons résultats de Lotus aux arrêts au stand, ça s'explique par le fait que les deux pilotes sont dans le coup. Alors qu'avant, il n'y avait qu'un pilote, Grosjean. Et maintenant, il y a à la fois Maldonado et Grosjean qui sont dans le rythme, qui sont dans un bon rythme tous les deux, même si parfois l'un peut faire une erreur, mais en tout cas dans le rythme de course, ils y sont. Et du coup, Lotus, ils y sont également pour pousser leur pilote à avoir une place optimale en course. Voilà, ça peut s'expliquer par ça, hein, ces bons résultats au Canada et Autriche. Et ensuite, on trouve seulement McLaren, hein, seulement McLaren 7e, avec une moyenne de 6,3. Et McLaren, c'est un top team. Ils ont des mécanos de fou, hein, on va pas se mentir. C'est pas parce qu'ils sont loin au championnat cette année qu'ils ont des mauvais mécanos, non. Ils ont l'argent, ils ont tout. Non, c'est tout simplement, voilà, on va l'expliquer. Et c'est là que c'est intéressant de voir que l'ambiance d'une écurie peut vraiment influer sur la qualité de travail, hein, en course. Et ça se vérifie avec McLaren. McLaren 6,3 en moyenne, hein, seulement. Hein. Souvent très très loin. Il n'y a qu'à Bahreïn qu'ils étaient 3e. Mais sinon, c'est vraiment très loin. Alors pourquoi? Selon moi, c'est un manque d'adrénaline. Ils n'ont rien à jouer en course. C'est des séances d'essai. Donc, tout simplement, ils se mettent pas le, ils ont pas la pression positive qu'ils avaient avant. Ils y vont plus ou moins tranquille, on va dire. C'est des séances d'essai. Donc, forcément, c'est pas marrant. Ils savent qu'ils vont pas jouer grand-chose. Donc ils font pas grand-chose. Mais bon, même à Monaco, ils pouvaient jouer quelque chose. Ils sont que 6e. Donc quelque part, hein, ça traduit, il faut faire attention, hein, ça traduit peut-être aussi une habitude à ne pas prendre jusqu'au bout. Parce que prendre l'habitude de ne pas avoir cette adrénaline pour comment dire, pour passer les roues, pour changer les roues, eh bien après quand il faudra la retrouver, peut-être que ça posera problème, peut-être que tout le monde ne sera pas à l'unisson, qu'il y aura une roue qui... un changement de roue, par exemple une roue arrière ou une roue avant, qui va être mal faite, hein, on ne sait jamais, ça sera observé vers la fin de la saison, quand McLaren est censé être au mieux de sa saison, ça c'est clair. À voir. Mais ensuite on trouve Toro Rosso, bon, Toro Rosso qui a jamais été trop présente, hein, aux arrêts au stand en stratégie, hein, donc c'est pas une grosse surprise vraiment. En plus, ils ont des jeunes pilotes, donc c'est pas les jeunes pilotes qui vont les galvaniser. Surtout vu certains propos de Verstappen, notamment dans la presse, c'est pas, ça manque de maturité hein, chez Toro Rosso. Et voilà, on sent que Sainz a pas non plus les épaules pour pousser son écurie à voilà, vraiment pousser son écurie à faire mieux. Donc voilà, mais bon, Toro Rosso, ça a jamais été très présent aux arrêts au stand, donc c'est pas une surprise. Sauber, c'est pas non plus une surprise, hein. Il y a qu'au Grand Prix d'Australie où ils se sont sublimés, et c'est là où ils ont marqué leurs plus gros points cette saison. Un quatrième, hein, aux arrêts au stand, Sauber en Australie, et puis après, plus rien pourquoi, parce que la monoplace était pas bonne, parce qu'il y avait les démêlés avec la justice, hein, l'affaire Van der Garde qui a fait beaucoup de mal financièrement à Sauber, et voilà, et l'ambiance pas forcément excellente, voilà, Ericsson qui a pas été présent quand il faut, qui a fait une erreur alors qu'il aurait pu marquer des points, je sais plus, je crois que c'était en Espagne ou à Bahreïn, je sais plus, enfin c'était un des premiers Grands Prix, un des 5 premiers Grands Prix, voilà, et qui depuis ne peut plus trop lutter pour les points, donc là aussi on perd l'adrénaline. Il n'y a pas trop d'éléments qui galvanisent, hein, évidemment, parce qu'il y a des dissensions dans l'écurie. C'est assez compliqué à gérer. Voilà. Attendre peut-être le Grand Prix de Singapour, apparemment, qui accueillera la version B de la Sauber. Peut-être à partir de là, ça va donner un coup de boost, mais pour l'instant, non. Et Manor dernier, bon, ben, eux aussi, c'est un peu comme McLaren, j'ai envie de dire. Sauf que, bon, Manor est habitué aux dernières places, donc c'est un peu plus normal qu'ils soient au fond. Voilà, ils n'ont pas grand-chose à jouer, à part entre équipiers. Ils ont une lutte entre équipiers, mais sinon non, ils n'ont pas de lutte. Du coup, c'est logique qu'ils soient au fond. Et ils saisissent, on va dire, l'occasion quand elle peut se présenter. En Autriche, sixième, hein, leur meilleur résultat. Bon. Peut-être en Grande-Bretagne, ils ont fait un bon résultat, je ne sais pas. Ils ont fait leur meilleur résultat, en tout cas, puisqu'ils ont fini 12 et 13. La Manor très fiable, hein, ça c'est très bien par contre. Très fiable, qui a accueilli dernièrement des nouveautés sur la monoplace. C'est pas mal, ils se rapprochent. Bon, après, comme ils ne peuvent pas lutter avec les écuries de devant, ben forcément aux arrêts au stand, ils assurent le coup. Ça sert à rien, l'important c'est de finir. Hein. Tout simplement et de profiter des déboires devant. Et bien voilà pour cette analyse, on va dire, du tableau qui a été produit par Mercedes, du classement moyen des arrêts au stand. C'était intéressant quand j'ai vu ce tableau parce que j'ai tout de suite vu le lien avec l'ambiance, on va dire, dans les écuries. J'espère que j'ai bien su l'expliquer. Ben en tout cas, voilà, tous les facteurs que j'ai cités au début, position au championnat, pilotes qui peuvent galvaniser ou pas, contexte général dans l'écurie, position dans la course et bien d'autres facteurs que j'ai pu énumérer dans mon analyse détaillée, et bien tout ça, ça peut faire qu'une écurie est performante aux arrêts au stand ou pas. Et en tout cas, sur la durée, c'est-à-dire sur les 4, 5, 6, 7, sur les 8 premiers Grands Prix, c'est pertinent d'avoir une telle analyse, d'avoir un tel tableau, et ensuite de pouvoir le comparer avec ce qui se passe dans chacune des écuries. Et ça donne ce qui a été produit, voilà, par Mercedes, voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette chronique, mais il y en a une deuxième, hein, après la petite pause musicale, qui est donc une composition de Vedernik Off, et qui s'intitule The Illusion of Speed. Bonne écoute et à tout de suite pour parler de Daniil Kvyat. Vous écoutez bien Analyse F1 et nous sommes de retour pour parler du pilote russe, donc Daniil Kvyat ou Kvyat, mais je crois que ça se prononce Kvyat. Hein. En tout cas, en 2014, on y prononçait Kvyat. Après, en 2015, certains commentateurs prononcent Kvyat. Je vais dire Kvyat, voilà, tout simplement. Bon, alors, pourquoi parler de ce pilote? Vous allez me dire, bon, c'est encore un kidam, on va dire, de la Formule 1. C'est pas un top pilote. Pourquoi s'attarder à parler de lui maintenant? Eh bien, tout simplement parce que maintenant, il apparaît qu'il montre son potentiel progressivement et que avant le début de saison, je ne l'aurais pas vu venir. Tout simplement parce que Red Bull est un top team et que Kvyat avait effectué qu'une seule année en F1 chez Toro Rosso. Et durant cette année, il n'a pas dominé non plus de la tête et des épaules son coéquipier, qui était Jean-Éric Vergne. Bref, c'était pas très net et c'était très peu d'expérience pour accéder à Red Bull et à un top team. Mais heureusement pour lui, il y a eu des circonstances qui l'ont bien arrangé. Et d'ailleurs, un peu comme en 2014, pour continuer la comparaison avec 2014, en 2014, en début de saison, il avait du mal à se mesurer à Vergne. Et puis, petit à petit, enfin, quand on a passé quelques courses, il le dominait en vitesse de pointe pure, c'est-à-dire en qualif, il était plus rapide que Vergne très régulièrement, avec souvent des séries de courses, des séries de 3 courses meilleures que Vergne en termes de performance en qualif, avec des performances en course qu'il avait pas à rougir de certaines performances en course également, mais surtout en vitesse de pointe pure, plus rapide que Vergne. Et là, en 2015, il fait encore mieux, parce que déjà, il est chez Red Bull, il a comme coéquipier Ricciardo, qui a eu 3 victoires la saison dernière. Et en plus, bon, sur les premières courses, pareil, il a eu du mal. Ça, c'est clair, les premières courses, il a eu du mal chez Red Bull. Ça s'explique, hein, vous allez voir. Mais ensuite, sur les suivantes, eh bien, il a pris la mesure de Ricciardo et a fait encore mieux, puisqu'il le domine. Il le domine quelque peu depuis Monaco. Monaco, il a fait une très bonne quatrième place. Hein. C'est un circuit quand même assez sélectif. Il a su bien profiter de l'occasion. Et depuis lors, il est plus rapide que Ricciardo et c'est quand même très fort. Et en plus d'être plus rapide que Ricciardo, il a fait un sacré coup au moral de Ricciardo, qui, en plus Ricciardo d'être déçu de ne pas avoir une monoplace compétitive pour l'instant, eh bien à son coéquipier qui commence à lui talonner les fesses. Et donc Ricciardo a même avoué lors d'une interview récente, une interview qui a fait directement suite au Grand Prix de Grande-Bretagne, il a dit que les vacances là vont vraiment lui faire du bien, déjà celles-ci les 3 semaines et ensuite celles qui suivront le Grand Prix de Hongrie. Donc c'est quand même très parlant. Voilà, mais ensuite la domination n'est pas non plus très nette, puisque Ricciardo, il faut pas oublier qu'il est quand même encore devant Kvyat au championnat du monde. Il est 7e Ricciardo avec 36 points et Kvyat est 8e avec 27 points. Mais voilà, Kvyat top 8 du championnat du monde des pilotes parce que ses dernières courses ont été très bonnes. Franchement, que ce soit en qualif ou en course, il a fait le taf et c'est très bien. Alors comment on peut expliquer ça? Comment expliquer qu'un mec qui a été rookie l'an dernier, qui a fait une saison correcte mais sans plus, eh bien passe dans l'écurie mère chez Red Bull et arrive à dominer un coéquipier qui a remporté 3 victoires. Alors là, tous les détracteurs de la F1 vont me dire « Mais c'est parce que les F1 sont trop faciles à conduire, trop lolo. » Eh bien non, c'est pas du tout pour ça, c'est pas parce que les F1 sont trop faciles à conduire. Ça n'a aucun sens de dire ça, je le dis et je le répète. C'est tout simplement parce que Kvyat en début de saison, il était pas très bon parce qu'il avait la pression. Comme l'année dernière, il arrive en F1, évidemment, les premières courses, il apprend. C'est normal, quand t'es rookie, t'apprends. Tu n'es pas arrivé. Pas comme certains se sentent arrivés en étant rookie. Bref. Mais Kvyat, en début de saison, cette saison aussi, il avait la pression. Pourquoi il arrive dans l'écurie mère, qu'on annonçait avant le début de la saison comme une des écuries qui pouvait lutter pour le titre, puisque Ricciardo, on l'annonçait comme un outsider certain pour le titre. Et donc Kvyat arrive dans cette grande écurie, avec tout qui est plus grand, avec une pression plus grande, évidemment, parce qu'on le regardait un peu plus. Et donc, il y a une pression certaine. Donc, les premières courses, il était un peu en dedans. Et puis après, quand on a découvert que la Red Bull de 2015 était légèrement supérieure en performance à la Toro Rosso de 2014, c'est-à-dire bah ça reste dans le peloton, mais ça lutte pas pour le podium, hein, ni rien, eh bien, là, Kvyat, finalement, également, comme Red Bull est rentré dans le moule, Kvyat aussi, du coup, on s'est moins concentré sur Red Bull. Enfin, on s'est concentré sur Red Bull surtout par rapport au fait que de la performance de la monoplace, mais les pilotes, on se concentrait moins dessus, vu que c'était pas eux les fautifs, c'était vraiment, par contre, ils ont rien à se reprocher en début de saison. Les pilotes, bon, Kvyat peut-être pour sa pointe de vitesse, mais comme je l'ai dit, c'était une pression logique hein, du début de saison qui aurait pu se prolonger. Hein. C'était dangereux de la part de Red Bull hein, d'avoir mis Kvyat dans leur écurie, mais voilà, les circonstances ont été bonnes finalement. Finalement, c'est assez paradoxal parce que le fait que Red Bull soit moins bonne que prévu et soit dans le peloton et n'arrive pas trop à en sortir d'au-delà du top 8, on va dire, top 6, eh bien, ça a été positif pour un de leurs pilotes puisque Kvyat avait moins de pression et a pu laisser exprimer son potentiel. Il peut laisser exprimer son potentiel et sa pointe de vitesse qu'on avait déjà entreaperçu en 2014 et qu'on avait surtout aperçu ben, dans les catégories inférieures. Ça, c'est logique. Et ben voilà, c'est très bien pour Daniil Kvyat, le pilote russe, qui maintenant qu'il n'a plus trop de regards sur lui et que les regards sont focalisés plutôt sur son écurie, sur les patrons et tout, eh bien lui, il peut s'exprimer et du coup, il en profite. Il en profite également pour doubler son coéquipier. C'est très fort quand même d'être devant Ricciardo. Hein. Ricciardo est un excellent pilote. Donc ce que fait Kvyat, c'est très fort. Et ben, il faudra voir sur le long terme si ça va durer. À lui vraiment comment dire, de confirmer jusqu'au bout. Parce que là, il montre qu'il est un bon pilote, qu'il peut être un bon pilote, qu'il peut faire des bons grands prix, qu'il peut être vraiment rapide. Mais maintenant, c'est à lui de confirmer jusqu'au bout de la saison. Parce que là, s'il se montre sur Ricciardo, ça va vraiment augmenter sa cote de façon assez phénoménale. Hein, ça, c'est clair. On risque d'en entendre parler s'il continue. Et Ricciardo, il a l'effet inverse. Faut en parler. Hein. Si on parle de Kvyat, faut parler de Ricciardo un petit peu. Ricciardo, c'est l'effet inverse. Il a le feu qui s'éteint, il a besoin de vacances, il a besoin de se ressourcer, de retrouver, on va dire, cette flamme qui était en lui l'année dernière, et voilà, et d'optimiser la performance de sa monoplace actuelle pour pas se laisser dépasser par son coéquipier, parce qu'au contraire, si Kvyat continue à le dominer, ça va être une mauvaise image pour lui, alors que Ricciardo reste un excellent pilote, mais faut qu'il fasse le boulot tout le temps. C'est ça la Formule 1, c'est ça qui montre les véritables bons pilotes. Il faut être au bout de soi tout le temps. Pourquoi? Parce que la F1 laisse déjà peu d'opportunités d'accéder à des top teams. Et du coup, si en plus à un moment on est moins bien, eh bien ce moment de moins bien peut créer la décision qui va faire qu'on va pas se retrouver dans un top team et qu'on va sombrer dans l'oubli malheureusement. Ça arrivait à beaucoup de pilotes, ça pourrait arriver à Ricciardo également. On dit souvent que la F1 a la mémoire courte, mais c'est aussi au pilote de maintenir cette mémoire éveillée jusqu'au bout. En début de saison, il a fait un très bon début de saison, Ricciardo, il a rapporté des très bons points à l'écurie Red Bull. Il se retrouve 7e au championnat du monde, je crois qu'il a été 6e à un moment en plus. Donc à lui de continuer là-dessus, de retrouver ce qu'il avait au début de saison. Là où au début de saison il se disait bon allez on est je suis sur Red Bull là cette saison c'est peut-être la bonne et ensuite il s'est un peu moins dit ça forcément parce qu'il s'est rendu compte des difficultés de sa monoplace mais même avec les difficultés de la monoplace il doit tout donner c'est ça la F1 donc ça peut donner du coup une lutte interne intéressante à venir. Je vous pose la question, Ricciardo Kvyat, ça peut être très bien, ils peuvent se sublimer les deux hein, durant la deuxième partie de saison. Ça sera une lutte interne, intéressante à voir hein, si jamais elle a lieu. À voir en tout cas. En tout cas, Red Bull peut se targuer maintenant d'avoir deux pilotes au niveau et c'est grâce au fait que la Red Bull est pas bonne. C'est quand même assez drôle hein, parce que si la Red Bull avait été très performante, la première moitié de saison, Ricciardo avalait tranquillement Kvyat. Hein, ça c'est clair. D'ailleurs, en début de saison, Kvyat n'était pas du tout là. Donc voilà, c'est assez bizarre, assez paradoxal. Eh bien voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast en tout cas. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas également. Ben, c'est demain le 15 juillet. À partir du 15 juillet, eh bien vous pouvez voter pour Analyse F1 dans les Radio Podcast Awards puisque je suis très content de vous annoncer de nouveau que Analyse F1 a été sélectionné pour les Pod Radio Podcast Awards qui sont une sorte de concours de vote qui va donner lieu à une cérémonie et donc Analyse F1 est dans la poule passionnée. Et quoi de mieux pour Analyse F1 d'être dans la poule passionnée puisque comme d'habitude à chaque podcast, à chaque course de F1, et bien tous ensemble et pour les PPA, les Pod Radio Podcast Awards, vivons notre passion. À bientôt. Thank you. Mmh.